et l'espion. L'espion met sa perruque. Il met son chapeau. Il met ses lunettes. Ha ha! Je suis un espion. L'espion marche sur le trottoir. Un espion, dit la souris. Où va-t-il? La souris suit l'espion. L'espion marche sur le trottoir. Un espion, dit le chat. Où va-t-il? Le chat suit l'espion. L'espion marche sur le trottoir. Un espion, dit le chien. Où va-t-il? Le chien suit l'espion. L'espion monte une côte. L'espion entre dans une boutique. Où va l'espion? Où va l'espion? La souris regarde par la fenêtre. L'espion n'est pas là, dit la souris. Où est l'espion? Où est l'espion? Ha ha! Me voici!